Bonsoir. Aujourd'hui, dans Autant n'importe l'histoire, Joseph Merrick, une vie d'homme éléphant. C'est dans l'Angleterre victorienne que nous partons ce soir. L'Angleterre du 19e siècle, celle des bas-fonds de Londres, des baraques de foire et des workhouses, ces hospices où l'on fait trimer les orphelins en échange d'un bol de soupe. Un décor à la Dickens. D'ailleurs, Joseph, notre héros de ce soir, ressemblait à Oliver Twist quand il était petit. Abandonné, contraint de travailler pour survivre, et qui, comme Oliver, va côtoyer le vice, la pire des choses dans cette société corsetée qui condamne le péché et tolère la misère. Mais Joseph porte en lui un mal qui lui laisse peu de chance pour un happy end. Joseph Merrick, c'est son nom. Mais son nom s'en souvient-il au moins ? En grandissant, les boutons et les rugosités qui parsèment son corps n'ont fait qu'enfler dans des proportions monstrueuses. Monstre, le mot est lâché. Sa tête est énorme, le visage déformé et la protubérance sur son front ressemble maintenant à une trompe d'éléphant. Un monstre qui n'a de place nulle part, sinon sur la scène d'une fête foraine. Plus personne ne l'appelle Joseph Merrick. Pour tout le monde, il est désormais Elephant Man, l'homme éléphant. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Xavier Mauméjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, vous connaissez bien l'histoire de Joseph Merrick, puisque vous lui avez consacré un roman il y a quelques années, Ganesha, les mémoires de l'homme-éléphant. Alors Joseph Merrick, né en 1862, mort en 1890, à l'âge donc de 28 ans, a passé une grande partie de sa courte vie exhibé comme monstre dans les foires. Des monstres qu'on exhibe pour amuser, il y en a toujours eu, depuis les nains... De la cour de Catherine de Médicis, en passant par les hommes à trois têtes, les frères siamois et les femmes à barre. Mais pourquoi l'histoire de Joseph Merrick, qui a été évidemment portée au cinéma par David Lynch, on se souvient de son film, pourquoi cette histoire est la plus connue? Parce qu'il est remarqué par la cour, ce qui était, déjà vous l'avez dit, le cas bien souvent. Le monstre et la royauté sont souvent attachés comme les extrêmes de ce que peut être une vie. Donc lui, il a effectivement côtoyé les grandes du Royaume-Uni. Et puis, parce qu'il a bénéficié d'un concours de circonstances étonnant, un nombre de médecins très important pour l'époque, qui travaillait à l'hôpital de Londres, et puis un contexte global qui s'intéresse à l'étrange, à la différence. C'est tout de même l'époque, exactement l'époque, où Jack l'Éventreur frappe à Whitechapel et on joue au Lyceum Théâtre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc il y a dans l'air du temps un intérêt pour la différence, l'étrange et tout ce qui est étrange. Voilà, l'inquiétant, ce qui me déstabilise. Alors dans les foires où il était exhibé, le butler disait que lorsque la mère donc de Merrick était enceinte de lui, elle avait été attaquée par un éléphant, ce qui expliquerait que l'enfant soit devenu un homme éléphant. Donc bon, des paroles sans doute censées augmenter le frisson, je suppose. Mais scientifiquement, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du mal dont souffrait Joseph Merrick? Alors on s'arrête sur une maladie très rare. Hein. C'est une maladie pratiquement orpheline, oui. Donc on a deux possibilités. Soit ce serait la maladie de Risingshausen, c'est-à-dire la neurofibromatose, qui est un désordre neurologique. Soit c'est le syndrome de Proté, du nom du antique qui changeait de forme, et qui serait là une maladie génétique. Mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, le débat était toujours pas tranché. On tend vers le syndrome de Proté. Et si on connaît bien aussi Joseph Merrick, c'est parce que le docteur Treves, le médecin qui s'est occupé de lui, qu'on va retrouver dans l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, ce docteur Treves a raconté ses mémoires et il a aussi pris des photos de Joseph Merrick, des photos de lui habillé, puis aussi nu, enfin... Alors, Treves, c'est le nœud de l'affaire, parce que s'il n'avait pas été là, on n'aurait certainement pas connu Joseph. C'est un personnage très intéressant, beaucoup plus complexe que l'image, peut-être qu'on a gardé la postérité. C'est un homme qui a connu la tragédie, il était spécialiste de l'appendicite, il a perdu sa fille de 18 ans, Etty, sous son propre scalpel. Avec ce même bistouri, il a sauvé le futur roi Édouard VII, allant jusqu'à repousser repousser son couronnement. C'est un personnage qui est central dans le mythe de l'homme éléphant. Et d'ailleurs, c'est lui qui crée l'homme éléphant, puisque la première fois qu'il le voit enfin lavé dans un pyjama, dans une chambre blanche, il dit dans ses mémoires « J'ai cru voir une idole indienne ». Et donc, c'est le fameux Ganesha, le dieu hindou. Qui explique justement la couverture aussi de votre livre, voilà. On en parlera tout à l'heure. Alors l'histoire que je vais raconter maintenant commence au moment où l'Elephant Man a été abandonné dans une gare londonienne par le montreur de foire qu'il employait, mais il n'a plus le droit, celui donc, d'exhiber des êtres humains. La loi a changé en 1885. Merrick se retrouve seul et sans ressources, mais grâce à une carte de visite qu'il avait gardée, il va retrouver la trace de ce fameux Dr. Treves, le médecin qui, quelques années plus tôt, l'avait examiné dans son hôpital. Xavier Mauméjean, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Joseph Merrick, Une vie d'homme éléphant, un texte original de Manuel Calma, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Sophie Haute-Picon. J'ai soif. Et tout ce monde autour de moi m'empêche de respirer. Je ne peux pas parler. Je suis trop faible. Depuis combien de temps je suis là? Je ne sais même plus comment je suis arrivé à Londres. Toutes ces foires, tous ces pays traversés, ce corps qui ne me porte plus, cette main-là qui bouge, c'est juste ce qui me reste d'humanité. Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas un animal, je suis un homme, oui, un homme. Peut-être que je vais mourir là, sous ces haillons. Je suis fatigué de vivre. Reculez, et laissez-moi passer, bon sang. Londres, 24 avril 1886, à la gare de Liverpool Street. Les porteurs, les cireurs de chaussures et les vendeurs de limonade s'activent déjà à cette heure matinale. Les voyageurs se croisent et se bousculent dans les vapeurs suffocantes des locomotives. La capitale de l'Empire britannique est en pleine expansion économique et veut donner l'exemple d'une société fondée sur le travail et les bonnes mœurs. Mais la société victorienne est aussi celle de la misère ouvrière et des hospices. Dans un coin de la salle d'attente, faiblement éclairée au gaz, des voyageurs se massent autour d'une forme dissimulée sous une cagoule. Une odeur âcre et un râle s'en échappe, suscitant un mélange de curiosité et de dégoût. Poussez-vous enfin, vous ne voyez pas qu'il a besoin de respirer. L'homme qui tente de se frayer un chemin dans cette marée de curieux est escorté par deux agents de police. Élégant et athlétique, il serre dans sa main un petit carton tout écorné. On peut y lire en lettres imprimées « Dr. Frederick Treves, London Hospital, Whitechapel Road ». Ne le touchez pas. Je suis médecin, je vais m'en occuper. Joseph. C'est moi. Dr. Treves. Frederick Treves. Vous vous souvenez de moi? L'Institut National de Médecine. L'hôpital de Londres. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez ma main. Vous êtes sauvé, Joseph. Vous n'avez plus rien à craindre. Je vais vous ramener à l'hôpital. Aidez-moi, monsieur l'agent. Nous allons l'installer dans mon fiacre. Oui, bah. Allez, il ne va pas vous mordre. Bon, d'accord. Oh là là. Oh là là. Encore quelques mètres, vous serez à l'abri des regards. Merci, monsieur l'agent. J'en prie. Tenez bon, mon ami. Dans le fiacre, Dr. Treves peine à contenir son émotion. 2 ans qu'il n'a pas revu Joseph Merrick. Depuis qu'un certain Tom Norman l'a emmené avec lui sur les routes, de foire en cirque, de la Hollande à la Belgique. L'homme reste silencieux, son visage dissimulé sous un tissu sombre. Vous pouvez retirer cette cagoule si vous le souhaitez. Alors non, non, si cela vous rassure. Et vous n'êtes pas obligé de me parler non plus. Vous n'êtes obligé de rien, d'ailleurs. Je sais que vous m'entendez, mais en revanche, j'ignore si vous comprenez tout ce que je vous dis. Je crois que oui. Je vous ai cherché. Un peu. On m'a dit que Tom Norman s'était séparé de vous. Brusquement. Vous étiez parti sur le continent. Faire de l'argent, sans doute. Oh, je ne juge pas. Où êtes-vous allé? Anvers? Bruxelles? Là où ce genre de spectacle est encore autorisé, j'imagine. Mais apparemment, ça n'a pas mieux marché. Combien de temps êtes-vous resté dans cette gare sans rien boire ni manger? Personne ne vous est venu en aide? Vous êtes sain et sauf, c'est l'essentiel. Vous ne devez plus avoir peur. Je n'ai pas peur. Comment pourrais-je avoir peur d'un homme qui me parle comme si j'étais comme les autres? Un homme tout court. Vous savez qu'aujourd'hui, en Angleterre, aucun Sam Thor ou Tom Norman ne peut plus exhiber des êtres humains. Les temps changent. Le public ne le supporte plus. Votre supplice est terminé. Combien de fois depuis 2 ans j'ai rêvé de vous le dire? Vous savez, Joseph, je me suis aussi demandé si j'avais commis des erreurs avec vous. Lorsque je vous ai demandé d'exposer votre cas à mes confrères, je n'ose imaginer ce que vous avez ressenti à ces moments-là. Mais la finalité n'était pas la même. Vous me croyez? Ah, je suis si heureux de vous revoir. Promettez-moi de faire l'effort de me parler. Vous en êtes capable, n'est-ce pas? Si, si. Vos yeux vous trahissent. Je vous promets, docteur Twiffs, je vous parlerai bientôt. Mais je suis si fatigué. Où m'emmenez-vous? Je vais pouvoir enfin souffler. Mais pour combien de temps? Nomade et déraciné, Joseph Merrick est né le 5 août 1862 à Leicester. Fils de Joseph Rockley Merrick et de Mary Jane Potterton, il est l'aîné de 3 enfants. Un peu avant de fêter ses 2 ans, sa mère repère quelques minuscules bourgeons parsemés çà et là sur son corps, puis une petite excroissance de chair à la commissure des lèvres. Une difformité qui croît jusqu'à former une masse qui prendra peu à peu la forme d'une trompe. Dès lors et aux yeux de tous, Joseph devient l'homme éléphant. Sa maladie progresse vite, très vite. Sa mère décède lorsqu'il a 11 ans. Son père se remarie. Il devient le fardeau dont il faut se débarrasser. Le petit Joseph tente de travailler dans une manufacture de cigares. Son état se dégrade. Son bras droit se paralyse. Il vend à la sauvette quelques babioles. Son aspect monstrueux rebute. En 1884, il rencontre un certain Sam Thor, directeur du Gaiety Palace of Varieties, qui lui propose de se produire comme phénomène dans son théâtre. Puis quelques mois plus tard, le montreur de foire Tom Norman prendra le relais. C'est ainsi qu'a commencé sa descente aux enfers. Je suis un tas informe d'os et de chair. Je vous dois tout, docteur Twiffs, et avant tout de ne pas être réduit à la condition d'animal, d'appartenir encore à la communauté des hommes. Mais pour combien de temps? Et moi, sale bestiole de malheur, je me suis pas saigné aux 80 pour toi? Dis donc, ne crois pas que tu vas m'abandonner aussi vite, hein? Je reviendrai, hanter tes nuits, car un pacte nous lie. Et tous les médecins du monde et autres blouses blanches ne nous empêcheront pas de faire notre beurre. C'est qui les amuseurs? Oh, nous, non seulement on assure le spectacle, mais en plus, on fait cogiter le kidam. Toi, le monstre. Moi, le batteur de foire. Tout va bien, mon ami? Ah, il s'est endormi. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la faim et la soif qui me font perdre la tête. Tom Norman, je le sens tout près de moi. Je l'entends. Il se rapproche parfois jusqu'au creux de mon oreille. Qu'avez-vous, Joseph? Vous tremblez comme une feuille. Il ne m'entend pas. Quelque chose vous effraie? Il rêve. Il n'y a que vous et moi. Allez, allez, allez. Calmez-vous. Nous sommes presque arrivés. Ce Norman ne me lâchera jamais. N'a-t-il pas assez de sa bande de manchots, de sa femme à barbe et de ses nains qu'il mène à la baguette? J'en ai saigné de sueur et de sang sur ces maudits tréteaux. Je ne lui dois rien. Pas un shilling. Croyez-moi, Joseph. L'enfer est désormais derrière vous. Le fiacre arrive enfin à Whitechapel Road. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Entrons vite. Joseph Merrick et Frederick Treves s'étaient rencontrés pour la première fois en novembre 1884. Un des collègues du médecin lui avait indiqué l'existence d'un freak, un de ces phénomènes qui font la fortune des montreurs dans les foires. Pour Dr. Treves, l'occasion se présentait d'examiner à peu de frais un sujet atteint d'une maladie grave, invalidante et galopante, survenue dans sa petite enfance. Était-il tout simplement atteint d'éléphantiasis ? Peu probable, à moins d'avoir vécu sous les tropiques. Treves n'avait qu'à traverser la rue pour observer ce cas d'école. La créature se trouvait dans une échoppe juste en face de l'hôpital. Il était loin de se douter qu'il allait vivre l'expérience la plus déroutante de sa carrière. Des hommes et des femmes sortaient d'une arrière-boutique comme on sort d'un train fantôme. Treves avait suivi ce flot de curieux. Au bout d'un couloir mal éclairé, l'attendait une pauvre chose gisant au sol, à moitié nue, recouverte de protubérances osseuses et d'appendices de chair aux teintes sombres et carminées, à l'aspect ulcéré et crevassé. Le phénomène le plus dégoûtant de l'humanité, pensa d'abord le médecin. Ça sent la poussière et le renfermé. Un peu d'air, ça fait du bien. Là-bas, les toits de notre chapelle. Vous la reconnaissez? Et juste en dessous, notre joli parc. Tous les jours, les enfants viennent jouer aux billes et aux cerceaux. Vous n'allez pas tarder à entendre la cloche de l'école. Vous avez dit? Ah, pardon, j'ai cru que vous aviez dit quelque chose. Le lit est peut-être un peu dur, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander d'autres oreillers. Je ne sais pas comment vous dormez. Ce doit être compliqué avec votre dos. Vous savez mieux que moi ce qu'il vous faut. Merci. Vous parlez. Vous êtes capable de parler. J'en étais sûr. Votre vie, notre nouvelle vie, tout va changer. Ce merci est une réelle promesse de lendemain meilleur. J'avais pourtant ordonné que personne ne monte. J'avais dit personne. Ne faites plus jamais ça, vous entendez? C'est entendu, mademoiselle. C'est entendu, Dr. Treves. Pardonnez-moi. Ça ne se reproduira pas, Joseph. Je vous le jure. Vous êtes ici chez vous. Moi aussi, je suis heureux, Joseph. Sachez que dorénavant, vous n'aurez plus à vous cacher, ni à vous exposer. Vous êtes maître à bord. Je vous laisse maintenant. Ah, la sortie de l'école. Le docteur Treves avait raison. C'est si bon de s'endormir dans cette chambre. Ces draps frais. C'est si bon. Au boulot, sale bestiole. Il revient. T'as pas l'air content de me voir, sale bestiole. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, hein, à peu de frais, alors que tu m'as coûté si cher? Tu es né pour dégoûter les braves gens. Tu t'en souviens, j'espère. Ceux qui mettent la main à leur portefeuille. Ils ont droit à un festival de sensations fortes. Faut qu'ils aient envie de raconter que t'es bien répugnant. Mais la pitié, ça suffit pas. Faut de l'adrénaline, comme il dit ton docteur Treves. Il a une belle blouse blanche. Il parle bien. Il se donne des airs. Ben, lui aussi, te reluque, n'est-ce pas ? Sous toutes les coutures, il te mesure, il t'exhibe. Lui aussi va devoir capter son public porte gardée. Ouvre les yeux. Ne le laisse pas coloniser ton esprit. Plus encore que cette satanée maladie, Norman est le poison qui coule dans mes veines. Je dois me convaincre qu'il n'existe pas. Je dois le chasser de mon esprit. Allez, en piste, Joseph Merrick. Ne me déçois pas, sinon ça va barber, hein. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le rideau que vous avez devant vous va se lever. Je vous promets le plus abject, le plus déroutant, le plus excitant des spectacles. Lève ta trompe plus vite que ça. Allez, allez, allez. Ah, plus haut. Mais plus haut, bon sang, bon sang. Je rêve. Je rêve. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Il revient toujours. Pourtant, je sais qu'il n'est plus là. Tout va bien, monsieur ? Tout va comme vous voulez ? Je suis si fatigué. Combien de temps va-t-il me hanter ? Si je m'endors à nouveau, le malin va revenir, se poster là, ne pas bouger. Je ne dois pas m'endormir, même si c'est bon, si bon de dormir. À bout de force, Joseph Merrick finit par s'endormir. Quelques heures d'abandon, comme il n'en a pas vécu depuis sa petite enfance, lové dans les bras de sa mère. Dr. Treves, avant de regagner son foyer, vient s'assurer que son ami ne manque de rien. Il découvre le garçon assis dans son lit, les jambes repliées sur sa poitrine, les bras enroulés sous ses cuisses. Son front, déformé par de grosses saillies osseuses, repose sur ses genoux. Impensable pour ce petit homme d'à peine 1,55 m de s'allonger complètement. Il le sait, son poids disloquerait ses vertèbres cervicales et entraînerait une mort quasi immédiate. Il dort. Treves entend distinctement le souffle qui sort de sa bouche, partiellement déformée. Il se souvient alors du premier examen morphologique qu'il lui avait fait subir il y a 2 ans au département d'anatomie de l'école de médecine. À l'époque, il le considérait comme un cas médical à l'intelligence quasi nulle. Aujourd'hui, il veut tout faire pour empêcher Joseph de se retrouver de nouveau à la rue. Mais à Londres, en 1886, il n'existe aucune structure pour accueillir des handicapés comme Joseph Merrick. Dr. Treves va donc devoir se battre pour le garder dans son hôpital. Mais Frédéric, comment comptes-tu garder cette personne sans créer une fronde ou un vent de panique ? Et comment crois-tu que les gens vont réagir quand ils vont apprendre que cet individu n'a pas sa place ici ? Sait-on au moins de quel mal il souffre ? S'il est contagieux même ? Il est atteint d'une maladie dégénérative. Et pour la énième fois, Anne-Elisabeth, son nom est Joseph. Eh bien, Joseph. S'il est incurable, tu le sais bien, Joseph n'a pas sa place dans notre hôpital. Ne me regarde pas comme si j'étais un monstre, je ne dis pas ça contre lui. Cet hôpital est autant le sien que le tien. Ne joue pas avec les mots, s'il te plaît. Alors on les met où, ces gens-là ? En Angleterre, même le sort d'un chat ou d'un chien mobilise plus la pitié publique que celui d'un pauvre infirme. Si nous ne faisons rien, Joseph Merrick vivra dans la rue sans la moindre ressource. Ne te mets pas dans tous tes états. Tu prends beaucoup de risques pour ce malheureux garçon. Mais aussi juste que soit cette cause, il ne faudrait pas qu'elle te fasse perdre ta situation et celle de notre famille. Je te signale que cette cause fait aussi avancer la science et mes travaux de recherche. Ce n'est pas l'éléphantiasis. Non, non. Nous mettrons bientôt un mot sur sa pathologie. Nous lui devons soins et réparation. En vivant à l'hôpital, il continue, je te l'accorde, à être un objet de curiosité, mais scientifique cette fois-ci. Tu conviendras que la frontière est fragile, Frédéric. J'en suis conscient. Mais c'est avant tout la cupidité qu'il faut combattre. Je suis médecin. Je ne me mêle pas de politique. Mais je refuse de laisser croupir ce malheureux dans un asile pour fous dangereux ou dans une impasse sordide. Parce que tu penses que je ne partage pas ton sentiment ? Je ne pense rien. Je m'interroge sur la place que notre ère industrielle réserve aux plus vulnérables. Je ne fais que te rappeler le règlement de l'établissement dans lequel tu travailles. Les patients incurables ne sont pas autorisés et les séjours permanents ne sont pas prévus, n'est-ce pas ? Le règlement et l'éthique dans tout ça. Joseph Merrick ne mérite pas le sort qui lui est réservé. Et par-dessus tout, il mérite d'exister. Si la presse relaie l'affaire, l'opinion publique ne te fera pas de cadeau. La presse ? La presse, c'est vrai, peut faire beaucoup de mal. Mais elle est capable aussi parfois de faire des miracles. Elle s'empare d'une histoire jusqu'à la rendre belle. Imagine, Joseph, grâce aux journalistes, pourrait devenir un personnage attachant et très populaire. Un peu comme, je ne sais pas, les héros de Dickens que tu aimes tant. Oliver Twist ou David Copperfield. Tu vois ce que je veux dire ? Non pas que je me prenne pour Dickens, mais si j'arrive à présenter cette histoire de manière séduisante et attractive, le récit que l'on en ferait dans la presse pourrait peut-être sauver ce pauvre homme. À la bonne heure. Frédéric Treves comprend en effet que dans cette société victorienne, où règne un curieux mélange de laisser-faire et de culpabilité chrétienne, le seul moyen de sauver Merrick est de faire vibrer la corde de la pitié et de la charité. Après quelques semaines de campagne habile en faveur de son mystérieux pensionnaire, Dr. Treves finit par obtenir le soutien de son directeur. Et le 4 décembre 1886, paraît dans le Times une longue lettre du directeur de l'hôpital. Âgé de 27 ans, Joseph Merrick présente un aspect si terrible qu'il lui est impossible de se montrer le jour dans le jardin. Un cas singulier de détresse survenu sans aucune faute de sa part. Il ne souhaite que jouir du calme et de la solitude durant une vie qui, m'assure M. Treves, risque fort d'être brève. Une lettre révélatrice de l'esprit du temps. Montrer l'incapacité d'un homme à puiser dans ses ressources tout en insistant sur son extrême probité et sa blanche vertu. Pendant ce temps, de jour en jour, le jeune homme retrouve ses forces. Il s'aventure dans sa petite cour à la nuit tombée pour prendre l'air et libérer sa parole. De quelques borborygmes et réponses courtes, il est passé à de vrais échanges sur sa vision du monde et ses difficultés à s'y inscrire comme tout un chacun. Aujourd'hui est un grand jour, Joseph. Savez-vous quelle délégation est dans nos murs ? Non, je l'ignore. Mais je sens qu'il se passe des choses dans les couloirs. Le prince et la princesse de Galles sont venus inaugurer le nouveau foyer des infirmières. Le couple royal est lié depuis longtemps à notre établissement et contribue chaque année à sa rénovation. Oh. Attendez-vous, cher ami, à rencontrer la plus délicieuse et la plus aimable des princesses. Votre Altesse. Docteur Treves, Monsieur Merrick, je suis honorée de faire enfin votre connaissance. Depuis le temps que j'entends parler de vous. Votre Altesse, vous avez tenu promesse. Votre présence nous honore plus que tout. Je rêve, n'est-ce pas, Docteur Treves, une princesse, ici, chez moi. Mais oui, Joseph, je vous l'avais bien dit. Vous êtes désormais une star. Je vous le confirme, Docteur Treves. Voilà un an que votre pensionnaire est là et je n'entends plus parler que de lui, de vous deux, dois-je dire. Sur toutes les lèvres et dans toutes les gazettes, il n'est question que de vous. Et je ne suis pas du tout déçue. C'est réellement charmant chez vous. Oh, merci, c'est trop d'honneur. Quelle belle maquette! C'est vous qui l'avez fabriquée? Mais où ai-je vu ce bâtiment? Ah oui, c'est le clocher qu'on aperçoit de votre fenêtre. Quelle précision et quelle dextérité! Merci, princesse. Croyez-moi, votre Altesse, peu de gens possèdent autant de fantaisie que notre Joseph Merrick. Mais c'est ce que je vois. Notre nation possède de vrais trésors. Je viendrai vous revoir, Joseph, je vous le promets. Et puis je vous enverrai de mes nouvelles. Et les photos? Dites-moi, vous possédez une belle collection de portraits. Vos admiratrices, je veux y figurer en bonne place. Je vois que Madame Kendall fait déjà partie de votre fan club. Une excellente comédienne. J'aimerais vous avoir aussi auprès de moi dans le plus beau des cadres. Mais il est tout à fait charmant. Donnez-moi votre main. Je vous promets solennellement que vous recevrez dans les jours qui viennent un portrait de moi. Oh, oh mais c'est trop. Enfin, c'est... Je ne sais plus quoi dire. Je suis le plus heureux des hommes. Bientôt, mon cher Joseph, vous n'aurez plus un centimètre carré de libre sur votre table de nuit et votre cheminée. Oh, mais je réserverai une place de choix à notre Altesse adorée. Je vous raccompagne. À bientôt, mon ami. Tout cela est tout à fait charmant. Savez-vous que vous êtes une star, Dr. Treves? Elle m'a appelé mon ami. Quelle douceur. J'aimerais tant retenir ce parfum au fond de moi. Elle sentait si bon. Quelle sensation étrange dans mon ventre. Comme des petits papillons. Connaîtrai-je un jour la douceur d'une peau satinée? L'arrondi d'une poitrine? Pour cela, il faudrait que mon âme sœur ne me voie pas. Mon âme est noble, mes sentiments sont purs et mes paroles sont choisies. Il faudrait que je disparaisse aux yeux de ma belle. Il faudrait que ma belle soit aveugle. Oui, aveugle. La peur de se retrouver à la rue s'est estompée pour le pensionnaire du London Hospital. De son côté, Dr. Treves a réglé l'essentiel des tracas administratifs. Pourtant, ce qu'il craignait se profile. De mauvaises langues l'accusent de constituer sa clientèle en se servant du cas Merrick. L'hôpital n'est pas épargné, soupçonné d'avoir utilisé l'homme éléphant pour collecter des fonds et lancer des travaux pharaoniques. Pour l'heure, Joseph savoure pleinement cette nouvelle vie comme un enfant lâché dans un magasin de bonbons. Un autre épisode va bientôt le combler. Vous êtes absolument sûr qu'on va me laisser entrer dans ce temple de la culture? Absolument. Et cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Mrs. Kendall a tenu sa promesse? Elle a fait plus que cela. Vous êtes attendu dans sa loge à la fin du spectacle. Quelle plaisanterie! Mais je ne plaisante pas. Ai-je l'air de plaisanter? Pourquoi tant de privilèges? Dites-moi, Joseph, qui mieux que vous apprécie la belle prose et le vers bien tourné? C'est vrai, je l'aime lire et il m'arrive de composer des vers. Au Théâtre Royal de Drury Lane, on joue ce soir-là une adaptation du Chaboté de Charles Perrault. L'histoire d'un animal humanisé qui joue de sa ruse pour arriver à ses fins et à celles de son maître. Trois aides-soignantes se sont placées au premier rang de la loge pour faire écran et permettre à l'homme éléphant de savourer ce moment de théâtre aux côtés de son fidèle protecteur. Bientôt, pour les besoins de la science, Dr. Treves prend des photos de son protégé. Encore une? La séance est bientôt terminée. Vous devez être exténué. Je suis désolé de vous infliger ça, mon ami. Non. Non. Ne vous inquiétez pas. Je suis en pleine forme. Et si je peux vous aider à guérir d'autres que moi, bien sûr, cela vaut bien quelques clichés. La science finit toujours par triompher. Il faut y croire. Car en science, il n'y a pas de mystère. Allez, je vous aide à vous habiller. Je suis devenu un vieux monsieur. Mais non, vous n'avez que 27 ans. Je n'ai pas besoin de ces photos pour sentir que le moignon de ma bouche est en train de repousser. Donnez-moi votre main. Et qu'à nouveau, dans quelques mois, on ne me comprendra plus. Vous faites pas trop mal. Sauf si on m'opère. Encore et encore. Je sens de la matière dans tout mon corps. Comme du verre pilé qui attaque mes chairs de l'intérieur. Ma tête est de plus en plus lourde. Et cette excroissance sur la tempe cache entièrement ma vision de côté. Jusqu'à quand pourrais-je voir et sentir? Mon bras a doublé de volume et je ne sens plus ma main. Peut-être que l'autre se mettra elle aussi à enfler. Dans ce cas, je ne pourrais même plus serrer la main. Ma mère disait que j'avais des mains de pianiste. Si celle-ci se déforme, je n'aurai plus rien qui me reliera à la race humaine. Je suis fatigué de me battre. Entre Tom Norman qui me hante et ma tête qui ne me porte plus, dormir est devenu une mission impossible. Vous souffrez en ce moment, n'est-ce pas? Oui, constamment. Oui, mais encore un peu plus en ce moment. Vous avez le sens de l'observation. Comme vous. Nous nous ressemblons en bien des points. Comme moi? Merci de cette gentille comparaison. Vous êtes un magicien, docteur Twiz, ou un saint. Je sais tout ce que vous faites pour moi. Oh non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne fais que mon devoir de médecin. Pour moi, vous êtes un saint. Alors, j'accepte tous les compliments venant de vous. Vous êtes un sage, Joseph. Assurément. Et un être éminemment humain. Oula, je suis très en retard. Je file. Bonne soirée. Nous nous verrons demain, mon ami. Assurément. Dites-moi, docteur, il vous arrive de rêver? Oui, bien sûr. Mais en ce moment, avec tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas le temps de rêver. Moi, j'ai toujours le même rêve. Celui de dormir comme un enfant. Je veux dire, autrement qu'assis, dans cette vigilance qui m'empêche de m'abandonner. On dit que les grands de ce monde ne s'allongent jamais, eux non plus. Qu'ils dorment assis, un peu comme vous, si cela peut vous consoler. C'est un drôle de choix, je vous assure. Mais je vous crois. L'infirmière ne va pas tarder. Je vous laisse entre de bonnes mains, Joseph. À demain. À demain. Si je savais mes peurs, j'ai appris à les chasser, pourtant. Bah alors, comme ça, Joseph Merrick, tu vis comme un roi? Le roi des sales bestioles, ouais? Arrête de pleurnicher, toi aussi t'as le choix. Celui de rejoindre le cimetière des hommes ordinaires, ou bien de regagner le plus mystérieux, le plus légendaire des royaumes. Celui des monstres sacrés, sages et puissants. En faudrait pas que ton nid douillet devienne une prison, hein? Hey, c'est ça qui te fait peur, je parie. Autrefois, ta sauvagerie t'empêchait pas d'être libre. Libre de tes mouvements, libre de partir, de fuir ou de rester. N'oublie pas d'où tu viens. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours montré du doigt. À toi de choisir le moment de tirer ta révérence. Lorsque le 11 avril 1890, on vient lui annoncer la mort de son ami Joseph Merrick, Dr. Treves ne peut trancher sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'homme éléphant était allongé sur le dos, paisiblement endormi. De toute évidence, il est mort sans lutter. Le couvre-lit était parfaitement en ordre. Je pense que cette dernière nuit, il a délibérément essayé de dormir étendu. Aussi semble-t-il que la mort a résulté de son désir, qui a dominé sa vie entière, pathétique et sans espoir, d'être comme tout le monde. Il se souvient alors d'un poème que Joseph avait composé et que sans doute il se récitait chaque soir comme une prière avant de s'abandonner aux démons de la nuit. Si ma taille atteignait l'épaule, si mes bras mesuraient l'océan, on me jugerait par mon âme, car c'est à l'esprit qu'on juge l'homme. Thank you. Joseph Merrick, une vie d'homme éléphant de Manuel Calma avec Michel Baladi, Joseph Merrick, Emmanuel Suarez, Dr. Frédéric Treves, Laetitia Hipp, Anne-Elisabeth Treves, Caroline Bender, la princesse Alexandra, Bruno Blairet, le fantôme de Tom Norman, Élise Arpentinier, l'infirmière et les voix d'Antoine Morio et François Tavares. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre Mine et Clotilde Thomas, assistant à la réalisation Félix Levaché, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Joseph Merrick, alias Elephant Man, avec mon invité Xavier Mauméjean. Pale yellow, release the dragon, let the fluid go. Just make the liquor flow. My heart, the races, I wanted you to know. I will rise again, slow. My love for you will be gone. The pain on my own. Hello sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Marion Lelay, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Ludovic Asselot. Xavier Mauméjean, vous venez donc d'écouter avec nous l'histoire de Joseph Merrick, une histoire pour le moins bouleversante, cet homme devenu monstre qui doit se battre pour retrouver son humanité jusqu'au moment de sa mort. On est forcément indigné d'apprendre qu'au XIXe siècle, il y a eu comme ça des exhibitions d'êtres humains dans des foires. Comment d'ailleurs expliquer cet engouement ? Parce que c'est un engouement qui est ancien dans la culture londonienne. C'est même inscrit dans l'ADN de Londres, puisque dès le Moyen-Âge, il existe une foire qui s'appelle la foire Bartholomew, qui est spécialisée dans la production de monstres, ce qu'on appelle la monstration. Et en fait, je pense que les monstres ont... Surtout à cette époque-là, qui est quand même très sur le conte à soi, sur l'image, ça fonctionne un peu comme un miroir de foire. C'est-à-dire que ce qu'on voit est déformé, mais ça nous renvoie à nous-mêmes. Et l'époque victorienne est très attentive à tout ce qui est la marge, la différence, ne serait-ce que pour pas en parler, mais c'est quand même l'époque où on s'intéresse enfin aux prostituées qui sont des malheureuses. Quand on est une femme, ou plutôt même une jeune fille, hélas, on est prostitué légalement à partir de 13 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite. Donc, tout ça est remarqué quand il y a une tragédie, quand il y a du sang, quand il y a des larmes. Il faut que le monstre bouscule un peu l'image trop parfaite de la société victorienne. Oui, il y a une peur aussi des classes laborieuses, une peur des marges, une peur de l'étrangeté. Mais absolument. Il y a une peur des classes laborieuses au point qu'il existe un darwinisme social qui explique que le pauvre est trop éloigné de ce que doit être un humain accompli. Il est pratiquement... le darwinisme social qui n'est pas la pensée de Darwin. Absolument pas, qui est une récupération pour dire que finalement, le pauvre, c'est celui qui n'a pas su s'éloigner de la bête et qui s'est pas accompli comme humain. Donc on met dans un même sac ce qui est le monstre, ce qui est le marginal, et ce qu'on veut bien aussi marginaliser. Et puis il y a aussi, c'est l'époque où se développent les zoos humains, ce qu'on va appeler plus tard les zoos humains, avec aussi des hommes et des femmes amenés d'expéditions lointaine ou des colonies. Ah mais absolument. Des sauvages, entre guillemets. Mais là, hélas, l'Angleterre n'a pas l'apanage de la chose. Eux, ils ont leur freak show, mais nous, on a l'exposition coloniale qui s'est tenue dans les années 30 et qui a quand même été inaugurée par le président du Conseil. Donc, tout ça est officiel. Et c'est vrai que on a une définition extrêmement restrictive de l'être humain. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour aller vers l'autre. Vous parliez de Darwin, c'est donc le 19e siècle, le siècle de Darwin. Darwin qui dérange aussi parce qu'il révèle aux humains qu'ils sont des frères des animaux. Donc ça trouble les humains aussi qui se regardent autrement et qui voient dans le monstre peut-être une image déformée d'eux-mêmes qui est à la fois terrifiante et excitante. Enfin, il y a une espèce de mélange de curiosité et de peur qui se... C'est exactement ça. C'est un système d'attraction-répulsion. Je suis attiré par l'étranger parce qu'il est littéralement étrange, il est différent. Mais le monstre, c'est aussi celui qui n'est pas pleinement humain puisque, surtout dans une époque étriquée, corsetée par la religion qu'est la société victorienne, l'homme a était fait à l'image de Dieu. Donc un monstre est forcément une image imparfaite du divin. Et il y a comme pratiquement une malédiction qui pèse sur les imparfaits. Alors en 1885, on l'a dit dans l'histoire, l'Angleterre finit par interdire ces exhibitions d'êtres humains, mais en même temps on sent une grande hypocrisie. Hein. On se rend compte avec l'histoire de Joseph Merrick, comme souvent les bons sentiments ne suffisent pas. Ce règlement est plus un cache-sexe hein, qu'une vraie solution, puisque ces personnes handicapées, si elles s'exhibent comme ça dans des fêtes foraines ou des foires, c'est parce que c'est le seul moyen pour elles de subvenir à leurs besoins, de survivre, puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune structure qui les accueille. Alors, donc, c'est pour ça que Joseph Merrick se retrouve dans cette gare, début de l'histoire, sans rien. Il a été abandonné par son montreur de foire. Tout à fait, il a même été escroqué, il avait économisé environ 5000 livres, ce qui est considérable hein, pour l'époque. Mais c'est tout simplement parce qu'à Leicester, il travaillait dans des conditions pratiquement normales. Il a été volé, il en est réduit, oui, à n'être... qu'un monstre. On peut même se demander, au-delà de l'image belle de Treves, qui doit beaucoup au film de David Lynch, au chef-d'œuvre de David Lynch, si finalement il n'a pas recommencé avec le cachet, avec la caution scientifique, médicale et victorienne, d'être produit, d'être exhibé à l'hôpital de Londres. Donc, Joseph Merrick est hospitalisé, on l'a entendu, à l'hôpital de Londres par Dr. Trees, mais il ne peut pas rester puisqu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux pour les maladies incurables. Il doit aller à l'hospice, c'est le seul endroit pour quelqu'un comme lui qui est seul, qui n'a plus de famille. Il n'y a donc aucune aide sociale dans cette société victorienne. Alors, cet hôpital de Londres... Et la charité est le seul moyen, justement. C'est le seul moyen. Et heureusement qu'on sont intervenus des personnages très haut placés, puisqu'il s'agit rien moins que de la famille royale, pour décider du sort de Joseph. Mais cet hôpital, quand même, faisait certaines infractions, parce que c'est un hôpital qui est un vrai mouroir. Hein. Il est dans Whitechapel. C'est à l'est de Londres. Oui. On reçoit... Les quartiers populaires. Treves décrit dans ses mémoires que un homme a eu la joue arrachée par une fillette. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, ça, c'est cette ambiance qui existe à l'hôpital de Londres. Et puis en même temps, c'est la pointe de la recherche scientifique. C'est là qu'on va découvrir le syndrome de l'aphasie du cortex gauche. C'est aussi là qu'on travaille sur le syndrome de Brown, sur la trisomie 21. Tout simplement parce qu'avec l'hypocrisie qui existe à cette époque, on a des cas. On a des sujets... Ils ont à disposition dans les quartiers populaires... Dans les impasses, dans les ruelles, au point d'ailleurs que dans l'équipe médicale qui suit Joseph, il y a l'un des médecins, le docteur Halstead, qui va autopsier l'une des malheureuses prostituées tuées par Jack l'Éventreur, car tout ça est à la même époque. Donc cette histoire, elle est dérangeante aussi parce qu'elle montre, c'est ce que vous dites, Xavier Mauméjean, ce qu'elle montre du monde médical, hein, pas forcément plus vertueux que celui des montreurs de foire. Enfin, en tout cas, début, donc ce n'est pas par compassion que le docteur Treves s'occupe de Joseph Merrick, hein, c'est par intérêt médical, par ambition aussi. Et comme Tom Norman, le montreur, eh bien, il exhibe Joseph Merrick. C'est pas dans une fête foraine, mais c'est dans un amphithéâtre de médecine. Donc c'est assez ambigu et on la sent bien, cette ambiguïté dans l'histoire. Mais tout à fait, au point que Tom Norman, donc l'impresario, s'était indigné du procès qu'on lui faisait, qui selon lui était injustifié, et avait par écrit décrit Treves comme un montreur de foire. Sauf que lui avait la caution justement de morale. La bien-pensance, voilà, la caution morale et scientifique. Et scientifique, une double caution effectivement. Alors aujourd'hui encore, le cas Merrick continue de faire débat en Angleterre. En juin 2016, donc une pétition a été lancée à Leicester pour demander à un hôpital londonien de retirer le squelette qui avait été conservé de Joseph Merrick et de lui donner une sépulture digne près de celle de sa mère, donc enterrée à Leicester. Alors, il faut rappeler que jusqu'à récemment encore, son squelette, le squelette de Joseph Merrick, était conservé dans une cage de verre à l'université Queen Mary de Londres et qu'il était régulièrement montré aux étudiants. C'est quand même incroyable. L'exhibition d'Elephant Man n'a jamais cessé, finalement, même après sa mort. Alors, elle n'a jamais cessé, mais c'est assez compliqué, parce qu'en fait, il y a quelques années, l'hôpital a voulu le rendre à la famille Merrick, donc on peut supposer que la famille qui voulait faire un squelette a préféré le laisser à l'hôpital. Par contre, il y a une anecdote authentique qui est assez amusante, c'est que Michael Jackson voulait l'acheter, le squelette de Joseph Merrick, et l'hôpital lui avait dit que non, elle était désolée, mais elle pouvait pas s'en séparer, mais que par contre, si Monsieur Jackson était prêt à vendre son squelette, ils étaient preneurs. C'est terrible. C'est terrible. On n'en finit pas, des monstres humains. Merci beaucoup, Xavier Mauméjean. Votre livre, Ganesha, les mémoires de l'homme éléphant, est disponible actuellement en poche chez Helios. Plus récemment, vous avez publié un autre roman, Kafka à Paris, chez Alma. Je signale également une BD, Joseph Carey Merrick, la première biographie d'Elephant Man en BD, éditée chez Sundaway.com. La fin d'Autant n'importe l'histoire pour ce soir. L'émission, bien sûr, est réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont bienvenus sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons en 1812 dans la retraite de Russie avec la grande armée de Napoléon qui doit franchir la Bérézina. Nous serons en compagnie d'un homme au destin exceptionnel, Dominique Larrey, le chirurgien en chef de la grande armée, un médecin hors pair qui a accompagné l'empereur dans toutes ses campagnes. 1812, Larrey, un chirurgien dans la campagne de Russie, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.